Ghetto super classe. Ghetto super classe. Ghetto super classe. Ghetto super classe. Ghetto super classe. Voir la ghetto super classe, c'est partir du bail sans ôter le pantalon ni les bas. Parvenir au but, mais rester droit, sans être injuste tout en défendant ses droits. Jusqu'à accéder à la ghetto super ascension, une fois au sommet, ghetto super attention. Car la ghetto super classe implique de faire profiter les siens, si que de ne pas renier d'où tu viens, même si comme arsenic tu deviens une ghetto super star. Et tu dois évoluer en bourgeois super costard. Reste ghetto super simple, ghetto super humble, tout en conservant ta ghetto super rage de vaincre. Car la vie est parfois ghetto super dangereuse, faut une âme guerrière, ghetto super courageuse. Faut s'accrocher, rester en place et conserver la ghetto super classe. Dans le sud de la France on veut ghetto super classe. Dans le nord de la France on veut ghetto super classe. Dans l'est de la France on veut ghetto super classe. Dans l'ouest de la France on veut ghetto super classe. Et on fait les mecs de Marseille veulent ghetto super classe. Et on fait les mecs de Nancy veulent ghetto super classe. Et on fait les mecs de Rennes veulent ghetto super classe. Laisse ton bras en l'air, c'est un ghetto super classe. Que tu sois en robe ou en jean, en costard ou en jogging, quand t'as la ghetto super classe, ghetto super filmé. Ça se ressent, pas besoin de te la raconter, ça se ressent. Tu dégages un truc qui fait que ça se ressent. La ghetto super classe, c'est être posé, quel que soit l'interlocuteur, savoir causer. Jamais, jamais trop en faire, savoir doser. Élégant, sympa, mais capable d'exploser. Avoir la ghetto super classe, rester le même en R5 ou en classe. Ne pas être un gras, savoir remercier, bosser. Jamais emprunter sans rembourser. Un esprit sain dans un corps sain. Laisse tomber les drogues, ça c'est ghetto super malsain. Faut rester lucide, ghetto super conscient. Faut rester lucide, ghetto super conscient. Dans le sud de la France on veut ghetto super classe. Dans le nord de la France on veut ghetto super classe. Dans l'est de la France on veut ghetto super classe. Dans l'ouest de la France on veut ghetto super classe. Les meufs et les mecs de Lyon veulent ghetto super classe. Les meufs et les mecs de Bordeaux veulent ghetto super classe. Les meufs et les mecs de Toulouse veulent ghetto super classe. Laisse ton bras en l'air, c'est un ghetto super classe. Voir la ghetto super classe, c'est être courtois, serviable avec la ghetto super mama. Ne pas hésiter à l'embrasser, à manifester sa gratitude, son amour et son respect. Là tu deviens un ghetto super gentleman. Et si Dieu le veut, t'épouses une ghetto super woman. À tes côtés dans les moments ghetto dramatiques, elle te donne l'envie d'être ghetto super romantique. Tu la protèges comme si t'étais ghetto superman. Me te confie à elle, surtout quand t'as ghetto super mal. Car elle sait conserver tes ghetto super secrets. Une ghetto super femme, une ghetto super tour. Dans le sud de la France on veut ghetto super classe. Dans le nord de la France on veut ghetto super classe. Dans l'est de la France on veut ghetto super classe. Dans l'ouest de la France on veut ghetto super classe. Les meufs et les mecs de Lille veulent ghetto super classe. Les meufs et les mecs de Nantes veulent ghetto super classe. Les meufs et les mecs de Paname veulent ghetto super classe. Laisse ton bras en l'air, c'est un ghetto super classe. Les mecs du 9-1 veulent ghetto super classe. Les mecs du 9-2 veulent ghetto super classe. Les mecs du 9-3 veulent ghetto super classe. Les mecs du 9-4 veulent ghetto super classe. Les mecs du 9-5 veulent ghetto super classe. Les mecs du 7-5 veulent ghetto super classe. Les mecs du 7-7 veulent ghetto super classe. Les mecs du 7-8 veulent ghetto super classe. Les mecs du Corona veulent ghetto super classe. Les mecs du OGB veulent ghetto super classe. ROH BZ veulent ghetto super classe. De mettre 10 veulent ghetto super classe. James Sigmat veulent ghetto super classe. Et que les Jekyll veulent ghetto super classe. Robert veulent ghetto super classe. Kamel l'ancien veulent ghetto super classe. Manu Kay veulent ghetto super classe. Mahmoud de Joinville veulent ghetto super classe. Boubacar veulent ghetto super classe. Moussa Joinville veulent ghetto super classe. Papo Project veulent ghetto super classe. Selim du 9-4 veulent ghetto super classe. Francine de Bonneuil veulent ghetto super classe. Olivier de Saint-Ouen veulent ghetto super classe. Malik de Place des Bains veulent ghetto super classe. Yes le Tunisien veulent ghetto super classe. Calais de Bourgogne veulent ghetto super classe. Le Jean du Lyonnais veulent ghetto super classe. Ghetto super classe. Ghetto super classe. Ghetto super classe. Ghetto super classe. Ghetto super classe. Ghetto super classe. Ghetto super classe. Ghetto super classe.